Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. Voici donc un retour avec l'émission de l'accordéon pendant quelques heures. Voilà donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis ainsi une bonne matinée, tout simplement, avec toujours avec le soleil. Donc, j'espère que le soleil vous plaît tous et toutes. Donc juste un instant, on a pu commencer avec un morceau de valse, et on va continuer avec d'autres morceaux d'accordéon et aussi un autre donc de valse. We'll be right back. On reste un petit peu avec la vanne, c'est André Verschuren avec quelques ans, Vlan la vanne, musette. Et puis donc, juste après, on écoutera tout simplement un petit air d'accordéon. Thank you. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Ce titre d'accordéon s'appelle Popcorn, et puis juste après lui, Jean Ségurel, tout simplement. Thank you.

fatigué, tous heureux de retrouver son petit lit. Sous-titrage Société Radio-Canada. s'appelle Michel, c'est la belle. Et notre copain voudrait noyer son chagrin. Il est timide, un peu stupide. Faut supplier, le remonter. Tous les samedis, on danse chez lui. On boit un coup, après on fait le coup. Faut oublier son cafard et devenir un pétard. L'accordéon. Voilà donc on retourne avec notre accordéon morceau d'accordéon avec de la valse et puis avec Serge Berry et puis juste après c'est Michel Prévost. Petit du morceau de tout simplement Prévost, ça s'appelle La Belle Gitane. des années écoulées, toutes les plus belles romances, le cha-cha-cha, les tangos, les java, toutes les chansons de France. Allez rouler encore une tournée et allons-y en cadence. Toute la nuit, de par-deux enlacés, restez avec nous et dansez. Quand le destin ton chemin. En terre catalane, je suivrai au loin ta robe de flamme, jolie fleur d'Espagne, ma belle gitane. Avec tout simplement Stéphanie Rodriguez et c'est du Paso Doble et puis juste après ce sera du Manison. Thank you. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Anzola. voit-on, voit-on danser les poissons? Voit-on, voit-on danser les poissons? Dis-moi pourquoi tu retourneras sur le chemin semé d'algues. Et pourquoi dans tes chansons long long il y a toujours de l'accordéon? Avec du tango. C'est aussi ça. un morceau tout simplement de valse avec Samuel Houllier, et puis juste après son duo avec tout simplement Dominique et Stéphanie, tout simplement. Le titre, on est accro à l'accordéon. We'll be right back. la journée. posible qu'à la montagne, Pépito, t'es un peu dingue, mais le populo t'admire, à s'y pousser du délire, quand on peut dire, la Pépito. Voilà donc, je vous laisse avec Sébastien Pirin, La Fiesta. retrouve un autre morceau de tango, et puis juste après, on écoutera du passodoble. Avec le titre du passodoble, ça s'appellera tout simplement Adios Sevilla. We'll be right back. laisse avec de la valse avec Jo Priva. Et puis juste après, eh ben, on écoutera tout simplement un accordéon country. Votre radio. Radio Arc-en-Ciel. Mettre dans le Cantal, c'est une chance qui t'est donnée. Vivre dans le Cantal, savourer toutes ses beautés. En ouvrant tes volets, quand tu vois les oiseaux s'envoler, tu te laisses emporter sur cette terre au vent de liberté. Cantal, au Cantal, mon sol, au Cantal. Cantal, au Cantal, Bimbal, au Cantal. Rester dans le Cantal, c'est aimer la vie des villages. Les veillées du Cantal, les burons, tous les bons fromages. C'est le pays des fleurs, des montagnes de toutes les couleurs. C'est le rêve de tous les bougnards. Petit bal du Cantal, à Paris on parle de toi. Au pays de Saint-Cloud, au jardin sous des chapeaux de paille, il y a des centenaires qui bavardent et vont bon pied bon oeil. Cantal, au Cantal, mon sol. La Paloma et puis suivi avec la Bolero Tango. C'est aussi ça. Voilà donc, je laisse avec Daniel Colin et son titre s'appelle Tatiana. Thank you. s'appelle tout simplement Denis Salès, c'est le titre, l'accordéon a toujours raison. Puis juste après, on écoutera Erika avec un medley. Le ciel, le soleil. soleil et la mer feront le ciel, le soleil et la mer, le soleil, le soleil et la mer. donc bien, l'émission bien, se touche presque à sa fin parce qu'il est déjà bien 15h45. Voilà donc ce morceau-là que je vais annoncer tout avant les émissions pour demain dès lundi. Donc bien, demain on sera donc bien lundi à partir de 7h jusqu'à 9h avec Francky. Juste après, entre 9h jusqu'à midi, avec Jean-Pierre vers le matin. Et puis à partir de 10h jusqu'à 19h, avec Fernanda 100% Union. Et puis après, tout simplement, entre 19h et 21h, avec Hans Rock Manu. Et puis avec Rémi, entre 21h jusqu'à 23h pour l'émission La Rac des Sports. Voilà donc pour les émissions de pour demain lundi. Voilà donc, ça va être titre avec Anaïs Bézier qu'on va se quitter avec tout simplement le premier, c'est du Paso Doble, et le deuxième, c'est tout simplement de tango. Voilà donc, bien, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi avec quelques morceaux d'accordéon, tout simplement. On se retrouve prochainement, voilà. Donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes, et donc à la prochaine, et tout simplement, bonsoir. Notícias na Antena 1, edição de Ana Sofia.